La lumière se cache jusqu'au fond de la poubelle. Une autre. Pour la route. Tu peux pas défaire. Tu ne peux pas défaire. Mais non, c'est une négation. Tu ne peux pas défaire toute la beauté du monde. Hey, wow, wow, wow, Albin, mon petit Albin. Sois sage. Et attends ton temps. Attends ton temps? Oui, attends ton temps tout le temps. Tout le temps. On y va. Aujourd'hui, le lundi 24, eh bien oui, 24 avril 2023, monte le volume, s'il vous plaît, et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Mes amis, mes très chers amis, compagnons, membres de CKRL, même les autres, on accepte tout le monde. Ah oh oui, on n'a pas de hiérarchie. On va envoyer, avant le début de mon ami Albert, parce que Albin, sors-moi donc Albin de la Simone, il va nous faire une petite chanson là, de son cru. Qui l'eût cru, le père l'eût-tu cru, qui lui a répondu avec Albin de la Simone, la vie n'est pas perdue. Alors, mais maintenant, nous envoyons, parce que je rends, on recommence. Cette émission est dédiée à mon ami, que j'ai appris à connaître en 8 ans, Rosaire. Il a eu un petit problème de santé, donc à 3, on va toutes lui envoyer notre énergie. Comment on fait pour envoyer de l'énergie? C'est très simple, mes amis. Vous allez vous fermer les yeux. Si vous êtes en voiture, faites pas ça. Gardez les yeux ouverts, quand même. Je veux pas être... me sentir coupable de savoir qu'il y a eu 3-4 morts à cause de mon émission. Quoique je sais que mon émission est mourante. Ah, oh, c'est mourant. On se la tord, hein? On se la tord, puis on se la reprend, puis on se la met. On repart, puis on recommence. Quand on repart, on recommence. Et puis, pour mon ami, puis je tiens à vous dire que Rosaire, c'est un type qui adore l'humour. Lui-même, il nous en sort des bonnes et des très bonnes. Nous sommes un peu dans le même genre d'humour au travail. Parce qu'en dehors du travail, là, il a pris sa pension et c'est pour ça qu'il a des problèmes de santé. Hein, quand tu t'arrêtes de travailler, puis que tu sais, t'as pas de. Tu te sens un peu malaisé. Qu'est-ce que je fais de mon matin? Qu'est-ce que je fais mon après-midi? Ben, c'est ça! Donc, il se développe des bobos. Puis là, Rosaire a des petits bobos. OK, on lui envoie de l'énergie. Comment on fait? On garde les yeux ouverts si on est en voiture. Sinon, si on est à la maison ou on travaille, on se ferme les yeux. OK? Puis à go, on fait... Le « ou », c'est de l'énergie positive. Une lumière. OK? Alors, on y va à 3. 1, 2, 3. Prends rétablissement, mon roseur. Lâche pas la patate. Les nouveaux murs de la maison, sous la peinture et les faux plafonds, notre futur en question. Le souvenir de mes vies premières, troupeau de moutons de poussière, mes gravats de célibataire. Et cet enfant qui pleure, qui mange, kilo de lait, kilo de l'ange, et tout cet amour en échange. J'espère, c'est peu de le dire, j'espère que tout ça va tenir sur mes épaules, épaules, pas bien carrées, mes épaules, mes épaules, mes épaules, pas bien gaulées, pas baraquées, pas balèzes. L'amour, l'humour, l'humeur égale, les deux ampoules sur ton visage qui s'illumine quand je pédale. Le poids de mon nom ridicule, de ce fantôme à particules qui avance quand je recule. J'espère, c'est peu de le dire, j'espère que tout ça va tenir sur mes épaules, mes épaules, mes épaules, pas bien carrées, mes épaules, mes épaules, mes épaules, pas bien gaulées, pas baraquées, sur mes épaules. Et les faux plafonds, notre futur en question. J'aime bien faire des improvisations à partir de chansons, de musique instrumentale. Mais là, attendez, est-ce que je peux me... Oui, parce que mes écouteurs, le fil frise à côté de mon... Oui, attendez un peu là. Ça, sinon, ça va bien en ce beau 24 avril 2023, oui? Dans un petit peu, je vais remettre mes écouteurs. C'est à... Oui, je sais que c'est emmerdant d'attendre. Eh oui, eh oui. C'est pire quand c'est au bout du fil, hein? Ah, bon, doux. Votre appel est important pour nous, hein? Oui, bien, c'est ça. Alors, c'est la sixième qu'on va écouter. C'est, bon, normalement, j'utilise de la musique plus psychédélique, mais là, j'ai mis la main sur de la musique classique. Donc, on va improviser. Je ne sais même pas quelle est la pièce. On va peut-être l'arrêter avant. On va aussi baisser ça ici. OK. Tout est parfait, Madame Rita. Oui. La sixième. Merci. Et puis, si ce n'est pas très intéressant, faites-vous-en pas. On va s'en rendre compte. Hein? Il y a deux personnes devant l'aquarium qui fait des signes. Hein? Ouais, souriez. OK pour vos airs. On y va. Improvisation sur une chanson de je ne sais même pas laquelle. C'est le disque 2. C'est 1, 2, 3 que je ne vois même pas. Est-ce qu'on a des... oui, s'il vous plaît. Une loupe. On est rendu sur la loupe, nous autres. Ah, bon. En plus, hey, ils font ça beige sur blanc. Essayez de voir ça. Essayez de voir ça. Je crois que c'est... Bon, comme c'est classique, attendez un peu, là. Monsieur de monsieur, aidez-moi, s'il vous plaît. Entrez en communication. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vois Barber. Barber. Ah, peu importe. On y va. OK? Et puis, notre histoire, ce trouble intense entre nos non-dits, tu pars déjà, tu t'arrêtes dans l'obscurité de notre amour, que cherches-tu? Que veux-tu savoir? Où sont les derniers reflets de tendresse? Après, tu peux partir. Tu peux partir. Cherche ton prochain dans le tunnel de l'amitié. Va chercher l'espoir dans le cœur qui scintille juste à côté de toi. Ne va pas chercher trop loin. On est deux fois cherché, Jean-Marc. Hein? Ne va pas trouver trop loin l'absence et la profondeur des abîmes qui souvent ne font que récolter blasphème et mensonge. Tu turlupines. Je voulais placer le mot turlupine. Tu turlupines. Brève passagère. Non, c'est bref. Non, brève. Brève passagère. Tu veux? Tu veux une goutte d'espoir dans cet infini, dans cet univers qui cherche elle-même à se retrouver? Le chaos est proche et la main tendue aussi. Offre-toi l'espoir. L'espoir de continuer, l'espoir de vivre un peu plus heureux dans cette bousculade, dans cette cacophonie que l'on appelle le quotidien. Retrouve la lumière au fin fond des poubelles, des ruelles, dans ces pas si sensuels ou consensuels, ne tombe pas dans le piège, car le lapin t'apprendra qu'à force de courir, on s'épuise un peu. Et puis, il y a l'autre qui ne tient à ne plus savoir, qui ne tient à ne plus reconnaître la vérité, qui ne tient qu'à un fil, le fil conducteur, le fil Ariane. Tu la vois ce soir? Tu la retrouves? Dans quelle disponibilité? Sur quelle rue? Sur quelle avenue? Viendra-t-elle? Te retrouvera-t-elle? Te découvrira-t-elle? Et comment? Comment tu lui proposeras ton être? Ton être qui est perturbé. Et qui ne cherche qu'un sentier. Celui de la vérité, du bonheur et de l'explosion humaniste. Mais il y a des nuits, il y a des soirs, il y a de la noirceur qui jamais trouveront la luminosité l'éclaircie, la volonté de poursuivre, et tombera dans le précipice de la finalité, de la fatalité, Espoir. Espoir qui tourne le coin et qui reviendra peut-être. Je te prendrai sous mon aile et t'amènerai dans mon cœur qui cherche à trouver la clé du bonheur, la clé de ma vérité. Ouais, c'est un téléroman, ça, Georgette. Hein, mon Seigneur, c'est dramatique. Hein? Où est l'humour? Ouais. Pourquoi viser? Ouais, c'est vrai, t'as bien raison. Moi, là, ben, j'ai rien visé, moi, j'ai juste entendu. Mais c'est beau, hein? C'est vrai. On l'applaudit? On peut pas, on n'a plus de main. Mais non, moi, j'ai une main qui tient le micro, puis l'autre qui tient le fil. Parce que, non, je suis pas sans fil. Ah, bon, mais je suis loin d'être Bluetooth, imagine, sans fil. Hey! Puis moi, je préfère savoir que j'ai une communication, tu sais, entre moi et la console. Ça me console. Ça me console, console! Qu'on le dise à tout le monde! Amenez, s'il vous plaît, la guillotine pour traduire en justice les mots que l'on ne comprend point. Sur la gueule, pourquoi sur la gueule? Le point, ah mon, non, c'est le point final. Ou les points, les trois points les plus rigolos, hein? Les points de suspension, c'est tout. Ces trois petits points, là. Un amène l'autre, l'autre amène l'autre, l'autre amène... C'est comme les mignons. La bande dessinée, mignons, les mignons. Ouais, la télévision, les mignons. Au cinéma, les mignons, mignons. Ouais, c'est mignon, hein. Les trois petites boules. Trois petites boules. Oh, pas des gros, des petits. C'est trois points de suspension. Puis là, on peut continuer, hein. Ah, ben oui. Elle disait, pom, pom, pom. Pourquoi cherches-tu l'horreur? Pourquoi trouves-tu que le radis est si radieux? Ben, c'est parce que le radieux, c'est exagéré, moi t'expliquer. C'est parce que moi, j'en ai fait pousser. Ben, je prépare à en faire pousser, là. On est au mois de. Ben oui, c'est le mois d'avril. Le mois d'avril, là, vos semences, préparez vos semences. Clémence me l'a dit. Là, cet été, j'espère, mon Reynald, hein, ben, moi, j'expliquais à Reynald, là, qui, lui, il a pas le temps. Il fait des émissions, il travaille, puis il est dans le communautaire, puis il aide son prochain, puis il s'aide même plus lui-même. Il s'est oublié, il s'oublie tout le temps, mais c'est pas grave. Et j'ai dit, Clémence a dit, tu lui mentionneras que cet été, il devrait faire un jardin pour, de un, se nourrir et nourrir les autres, et de deux, économiser beaucoup de sous. Pourquoi pas de dollars? Des hormones, des hormones. Dollars, des hormones. Ah, mon Dieu! Hey, personne ne connaît ça. Ben, non, mais c'est pas une chose, dollars, des hormones, là. Mais non, c'est un personnage. Il y en a-tu des personnages dans... Hein? Tout le monde est... Toi-même, là, Gertrude, qui te voit seule sur Terre et qui cherche... Ton solitaire, hein, ton alter ego, ton solitaire. Bon, tu sais, elle se dit, oh, bon, tu sais, je suis l'ombre de moi-même. Je ne suis que l'ombre, qu'une ombre. Je ne pense pas que ma vie là, sera importante. Ça va marquer, ça marquera personne. Hey, j'ai dit, arrête de dire ça, toi. Voyons donc, quand tu joues aux cartes, là, avec tous tes amis, le samedi, après-midi, puis tu nous amènes là, des croustilles, du breuvage, puis du plaisir. Moi, c'est le chocolat. Tu sais, moi, je t'amène des bonnes barres de chocolat, puis avec nos amis, chacun amène sa petite part, hein. Il y en a, c'est des crudités, je trouve ça bizarre. Crudités, quand on n'a rien à manger, à part des croustilles, du chocolat, crudités, bon, en tout cas. Tu sais, chacun a ses petits vices. Puis, ils nous les inculquent, hein? Ils nous les vissent dans la tête, puis on dirait que quand il manque quelqu'un, on n'aura pas de petite crudité à soir, à ce midi, parce que c'est pas le soir, c'est midi. On n'aura pas de petite crudité ce midi. Puis au début, on trouvait ça bizarre, mais la bizarrerie, hein, on s'y habitue. C'est quand il nous manque les gens les plus... explosifs, les plus... les plus marginaux. Quand il nous manque les marginaux, on se croit... On les cherche, on s'attriste, on se dit... Ça m'énervait au début, mais là, on dirait que je ne suis plus capable de m'en passer. Où est-il? Où est-elle? Que cherche-t-il? Que cherche-t-elle? Alors, nous autres, on a du plaisir. On joue aux cartes, on joue au bingo. Tu sais, les jeux, on socialise avec les... le Monopoly. Le jour de paix. Avez-vous déjà joué au jour de... au trouble. Tu sais, avec la petite boule, tu sais, la rondelle, puis les dés. Puis là, t'avances, puis il te faut 6 pour monter, puis... tu peux manger l'autre. T'as le droit de manger l'autre. La police n'arrivera pas, là. C'est pas une scène de crime. Ah, c'est du cannibalisme, mais du cannibalisme qui est jugé sain. Je ne sais pas par le clergé, madame, là, mais le clergé, j'ai pas demandé, ou quoi qu'aujourd'hui, le G, c'est un bel oiseau. Ah oui, c'est le G, dans son logis. On dirait que la note m'a manqué dans le gargoton, hein? Le grand J, OK. Le grand J s'est envolé, reviendra peut-être avant le trépas. Trépas, et mon dos, il veut. J'espère qu'on va y voir la face pour le pleurer avant qu'il parte. Avant loup, toutefois. Ouais, avant loup. Peut-être avant Jean Leloup, mais là, ce qui suit, c'est pas ça. Non, on va lâcher. Non. Lâche l'orgue, Jean. Ouais. Sors de cette église catabodique. Monique, peux-tu nous faire jouer la suite de l'émission, là? Parce qu'on ne fait pas une autre improvisation avec quoi que c'était magistral, là. Tout le monde pleure encore aujourd'hui, là. Hey, même Juliette est tombée par terre, hein, de pamoison. Hey, wow! De pamoison, puis elle a laissé tomber sa Pepperman. Hey, si c'est pas triste, là. Là, elle cherche à ta quatre pattes puis à sa Pepperman. C'est une pop. Hey, Rose, hein? Prends pas toutes tes affaires blanches, là, à terre, là, parce qu'il y a des bouchons. Pourquoi? Parce que les trois quarts des gens qui sont ici sont débouchonnés. Hein? OK. C'est pas du classique. C'est Ariane. La ligne. Quoi faire avec mon corps? Le coucher tôt, le lever tard, lui faire le sport. Quoi faire avec mon corps, l'exciter, l'exhiber ou encore lui donner tort? Quoi faire avec mon corps, l'intoxiquer, le purifier ou le peindre en noir? Quoi faire avec mon corps, le faire courir ou méditer, le garder vivant ou lui donner la mort? Bonjour, Madame Tremblay. Oui, c'est Jean-François. Pas Jean-François, Jean-François. Ouais. Oui, ben là, je suis parti d'Abitibi, là. Oui, j'arrive à Limoilou dans quelques minutes. Ben là, je suis pas parti il y a deux minutes en d'Abitibi, là. Non, ça fait quelques heures, là. Je vais t'expliquer un peu, là, ma petite amie. Parce que là, on s'est pas encore rencontrés, hein. Ah, c'est la première fois. Es-tu excitée, stressée, curieuse? Aucune de ces réponses. Bon. OK. Mais moi, écoute, ça me fait tellement plaisir. J'ai amené ma guitare, mon violon, puis mon accordéon. Comme je t'avais dit, je suis un musicien multidisciplinaire. J'ai mis mes petites poésies aussi. Puis ma peinture, parce que je fais de la peinture, hein, je t'ai amené deux peintures que je vais te donner. Tu t'en feras ce que tu voudras, puis tu peux te donner ça, offrir ça à CKRL, parce que on commence, hein, la semaine prochaine, CKRL, Radioton. Même pas la semaine prochaine, là, c'est dans même pas 4 dodo, là. Puis, hey, je vous conseille d'écouter le pré-Radioton de CKRL. C'est qui va animer ça, cette affaire-là? Pas Renald! Non, c'est Renald. Oh, Renald! Gagné! Hey, moi, je veux rester ici avant de partir en Abitibi, là. Est-ce qu'on peut aller se rendre sur place pour faire deux, trois petites chansons? Tu peux pas répondre, Renald n'est pas là. Où est-ce qu'il est, ce Renald-là? Il fait une émission, puis il est jamais là. Ah, c'est des personnages, mais il peut-tu devenir lui-même à un moment donné, lui? Vous pensez pas? Bon, c'était un état mental. Oui, monsieur, madame. Est-ce que, oui, hein, il est suivi par tout le monde? Bon, c'est ce qu'il dit, là. C'est son état mental, mais c'est bien, non, mais... OK, mais est-ce qu'il est conscient? Oui, semi-conscient. Semi-conscient. Ben, je dirais comme la majorité des Québécois. Ben oui. Sauf les auditeurs de CKRL, qui, eux, sont ultra-conscients. C'est quoi la différence? C'est l'ultra. Hein? Oui, je suis ultra-émotif. Je suis ultra-sensoriel. Je suis ultra-terrestre. Tout le monde sait qu'on dit extra puis intra, hein? Mais ultra-terrestre, connaissez-vous ça, l'ultra-terrestre? C'est intéressant. C'est intéressant, les nouveaux mots. Mais il faut savoir les dire, hein? Ultra-terrestre. Oui, je suis aussi ultra-terrestre. Ben oui, moi, toutes les qualités du monde, je les ai. Quand tu vas me voir, tu vas... Ah! Ça donne un choc, hein? C'est un choc. Mais moi, je suis pas dans le visuel, hein, parce que on perd sa vie à... Ouais, pas à la gagner, mais on perd sa vie à travailler sur son physique. Mais moi, c'est pas le physique, moi, c'est l'électricité. Robert me l'a dit, hein, moi, c'est pas physique, c'est électrique, c'est ça, l'électricité, toute la tension, pas la tension, tu sais, entre deux personnes, mais la vibration. T'aimes-tu ça, tu préfères vibration à tension, hein? Attention, il y a quelqu'un qui pique ta ligne de vie, là, hein, comme disait Daniel. Attention, attention. Il y a un comique, là, qui cherche à retrouver l'envie de te revoir. Mais moi, comme je t'ai jamais vu, j'ai pas de goût de te revoir. Quoique, je sais, non, attends, je me reprends. Faut que je te pas, raccroche pas, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai un vieux cellulaire. Je suis pas vieux jeu. Non, c'est juste un cellulaire qui est vieux. Ah non, moi, je suis jeune de cœur, jeune d'esprit. Quel âge ai-je? Ben, comme disait mon site, là, j'ai 42 ans. Presque toutes mes dents. Oui. Oui. Quoique, hey, savais-tu que Adam, là, bon, le premier, Ève, c'était la deuxième. Ben, elle aussi, c'était la première. Mais, tu sais, au niveau masculin, c'était Adam. Féminin, c'était Ève. La pomme, ça, c'était l'accessoire, le premier accessoire théâtral, parce que, tu sais, la vie est un grand théâtre, tu ne savais pas? Je viens de te l'apprendre, là. T'es sur le gros nerf. Y a-tu du public? Ben, voyons donc, on est entouré de public. S'il n'y a pas un public, là, quand tu manges et tu crois que tu es seul, fais-toi-en pas. Mais en fais pas, mais qu'est-ce que tu veux dire? Attends. Tout le monde te voit. Ben voyons donc, toi, Big Brother, George Orwell, tout le monde te voit. Hein? Oublie pas ça, là. George Orwell, 1984, tout le monde te voit. Big Brother. Même si tu crois tout. Non, mais tu sais, la fille, le gars qui s'imagine qu'il est tout seul sur Terre. Ah, je suis tout seul. Hey, voyons donc. Tout le monde seul. Tout le monde qui sont seuls. Si on les rassemble, ils sont plus seuls. Puis juste le fait d'être avec soi, on n'est plus seul. Parce que nous, on a tellement de choses en soi qu'on ne peut pas être singulièrement seul. La solitude, comme chantait Béco, ça n'existe pas. Mais c'est pas ça qu'on va entendre. On y va. Ça, c'est un nouvel opus. Un album qui vient tout juste de sortir. Il est tout chaud. Tout pouvoir est habité par le désir fou de repousser constamment ses limites. Attiré par la jouissance secrète d'imposer un ordre abstrait à ses sujets. Un pouvoir intègre doit se protéger de lui-même, mais s'il le fait, c'est à contre-cœur. Un trop excité par sa propre importance, possédé par sa folie du contrôle. L'individu n'a plus de droits que de devoirs au service d'un principe supérieur, et pour être certain que chaque citoyen obéit à se vivre ensemble. sur les... Hein? Excuse-moi, le... C'est, en fait, un montage. C'est mal monté, ça. Moi, j'ai déjà dit à mon professeur qui m'apprenait à monter à cheval. J'ai dit, moi, monter à cheval, ça me dérange pas. D'un, je voudrais qu'il soit docile. Parce que, tu sais, j'ai déjà de la difficulté à marcher. Si je l'ai fait sur le dos d'un cheval, puis commence à s'énerver. Tu sais, il est énervé. Quand il monte, là, avec les deux pattes en l'air, moi, je suis pas John Wayne, moi, là. Je ressemble un peu à Gaétan Brisebois, là, qui cherche sa perruque quand il y a un petit coup de vent qui est monté, puis hop, la perruque est partie, le dentier va tomber aussi. C'est la beauté de la vie. Et puis, donc, je demande à mon entraîneur, j'ai entraîneur, tu m'as entraîné là-dedans, là. Puis moi, je t'ai entraîné pas mal d'argent, fait que, tu sais, dans l'entraînement, là, on se comprend. T'sais, on n'a pas besoin de parler ben longtemps. Hein? Comprends-tu ce que je veux dire? Là, me regarde, avec ses yeux en tendresse. Hey, avez-vous, madame, avez-vous des yeux en tendresse, vous? Il y a un chanteur, je sais pas qui... La tendresse, la tendresse. C'est Daniel Guichard, la tendresse. Et puis, je vais lancer une phrase que je vois là. Tu caresses joliment la mélancolie. J'ai écrit ça, moi, là. Non, mais c'est pas lui qui... Non, c'est pas moi qui a écrit ça. Moi, c'est Rénal Gagné qui a écrit ça le 31 mars 2020. Ah, mon Seigneur. Puis, il y a plusieurs versions à tout. C'est certain. Il y a plusieurs versions à tout. Et puis, il ne faut pas trop... Hey, de un, il faut être bon. Bon, dans quel sens être bon? En fait, il faut avoir de la mémoire. Donc, pour savoir si on a de la mémoire, il faut se demander, mémoire, est-ce que tu te souviens de moi? Mémoire, est-ce que je peux en comprendre davantage sur toi? Mémoire, moi, en neige. Puis là, quand tu dis en neige... Faites-en pas, il n'y en aura pas un banc. Un banc de neige. Non. Puis ça va fondre, à mesure. Et puis, parce que si il y a plusieurs versions à tout, faut que tu te souviennes de toutes les versions que tu viens de dire, là. Tu es avec ta femme au restaurant du coin. Mais là, tu débarques de ta voiture. Elle va te rejoindre parce que vous ne travaillez pas à la même place. Vous rejoignez. Puis là, tu lui dis, excuse-moi, là, mais je t'ai dit au restaurant du coin, là, mais c'est pas le coin. Ça, je m'en doutais. T'as de la difficulté à toi-même à savoir où tu te trouves sa planète. Ben là, je suis devant toi. Ah, ben bravo. Ça commence très bien. Alors, allons-nous pénétrer dans le restaurant? Pénétrons, c'est si beau l'accordéon. Toujours le même humour? Toujours la tendresse. OK, on va choisir le banc le plus loin. Le plus loin! Enfin, pour être seul. Oui, mais le restaurant est plein. Oui, puis bientôt, ce sera moi. Tu as le goût de manger comme un porc? Non, mais de me bourrer comme un cochon. Ah, pourquoi? Pour ne plus te souvenir? Ben, pour que tu puisses me raccompagner. Puis après ça, ben... Oh, voilà, Qu'est-ce que je veux dire par là, les gars? Ouais, c'est quoi ça? Ouais, je comprends pas, moi, là. Mets des mots à tes ouais, là. Hein? C'est bien beau, le ouais, là, mais le ouais a peut-être son voyage. Puis s'il a son voyage, ça peut se finir là. Avant que l'on commence déjà à choisir le menu. Menu. Connais-tu le menu? Tout est menu. Coupez menu. Pourquoi? Ben, on dirait que mes dents commencent à rétrécir, tu sais. Puis moi-même, je rétrécis un peu, tu sais. Avec le temps, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs s'atteignent de ses gueules. Ah oui, ah mon Dieu. Dans la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Puis là, ben, le samedi soir... Avec le temps, tout s'en va. Ça s'en va, mais ça reste aussi, hein? Quand je dis ça de même, avec un arrêt, on s'attend de ça va pas. On fera pas celle-là. Ah non, quand j'ai connu sa vie, lui, là, ah, Claude François. Il y a du monde qu'on ne veut plus aller plus loin là-dessus, là. Même plus en écouter, mais puis en même temps, il faut faire une différence entre l'aide publique puis l'aide privée. Mais maudite merde! Comme disait Clément, c'est mouillé tout le temps, mais dans sa tête, il mouillait tout le temps. Puis là, c'est devenu comme un peu spongieux. C'est vaseux, vaseux, c'est de la grosse vase. C'était très mouvant et non pas émouvant. Il en a fait souffrir du monde, ce gars-là, là. Eh, monsieur, il y a plusieurs versions à tout. Les fans finis, qui connaissent l'histoire, mais ben, Yanda, c'est pas vrai. Ils veulent nous le faire haïr parce qu'il est tellement bon, il est tellement beau, il danse très bien, il chante bien, il a des belles chansons. Ah, cher. À qui chercher peut trouver son chien? See my baby, but that's enough. I want home. It's alright. It's alright, yeah. It's alright, yeah. It's alright, yeah. I got a wing, wing. I wanna fly back. Là, on me demande souvent comment ça te prend d'énergie pour faire ton émission. Ben, comme tu parles pas à Rénal, tu parles à Gaétan Brisebois. Parce que Rénal n'est pas là présentement. Ah non. Il est à... Non. Il travaille pour le. Actuellement, là, il se prépare pour le Radioton. Parce que c'est. Oui. Lui, il est dans le pré-Radioton de CKRL. Ça va barder, attention, mais. Très positivement parlant, avec des improvisations, une émission qui va durer, oh mon Dieu, au moins 50 heures. Ils vont reculer le Radioton pour que l'émission se termine. Là, ça devait se faire. Ce Radioton-là, là, c'est du 28 au 30. Mais là, si Rénal veut faire 52 heures, puis après ça, prolonger, tu sais, des rappels, les gens vont siffler, ils vont demander d'avoir ça encore, ils veulent l'avoir sur scène, puis après ça, je vais chanter des chansons, puis bon, ça peut durer 2-3 ans, cette affaire-là, puis on va ramasser des millions de dollars, c'est parfait, parce qu'il faut être très généreux, surtout d'être membre de CKRL. Êtes-vous membre de CKRL, Mme Trudeau? Regardez-moi, non, quand on dit quelque chose, puis c'est pas, tu sais, qu'elle sent un peu exclue, elle a toujours le regard qui tombe. Le sourire aussi qui tombe. Le moral qui tombe. Mais madame, il suffit d'être membre à CKRL pour 25$, puis vous pouvez vous rendre pendant le Radioton, là, c'est pas compliqué, du 28 au 30, t'arrives là, OK? Tu dis, j'adore cette émission-là. Il y a une émission ou des émissions qui me plaisent. Puis je veux que ça se poursuive. Puis je veux que, tu sais, que tout soit numéro un, que la musique soit bonne, que les animateurs se sortent de leur monde du quotidien, puis qu'ils nous donnent le goût d'écouter du jazz, du blues, du rock, de la chanson française, de rencontrer des artistes que l'on connaissait pas, puis qui nous font connaître grâce à leur grande générosité et de leur connaissance. Puis ils sortent aussi des sentiers battus. Sortir des sentiers battus en 2023, c'est intéressant. Pour 25 piastres. Puis là, ça te donne le droit de gagner des affaires, puis d'avoir aussi des privilèges, des réductions un peu partout. Il suffit d'aller voir sur ckrl.qc.ca, devenir membre 25 piastres. Voyons donc, toi, qu'est-ce que tu veux faire avec 25 piastres aujourd'hui? Devenir membre pour 25 piastres, pour une année, vous aidez notre radio, votre radio, c'est pas la mienne, c'est la vôtre, c'est la nôtre. Donc, donnez, soyez, comme à l'habitude, d'une générosité sans borne, et nous vous le rendrons au centuple. En micmac. Et lorsqu'il dit coucou, il veut dire aimez-vous, mes amoureux s'appuient sur lui dans mon patelin. Et quand il crie 8 heures, tout chavirant mon cœur, je pars une heure bien qu'aux petites heures du matin. Quand je suis à temps, coucou, mais autrement, ouh, parce qu'il est gentil et charmant, mon petit coucou. C'est un oiseau qui jamais ne se laisse prendre, il connaît tous les rendez-vous, comment s'y rendre. Et dans les affaires d'amour, mon tico est là toujours, qui me dit peu importe la nuit ou le jour. Oh, j'entends mon petit tico qui m'appelle, il semble dire que c'est l'heure d'être fidèle. Oh, oh, oh, oh, on dirait que mon cœur fait crac, tico, tico, tico, tico, tico, tac. Oh, tico, tico, tac, ce tico, tico met mon cœur tout en micmac. Et lorsqu'il dit coucou, il veut dire aimez-vous, les amoureux se fient sur lui dans mon patelin. Et quand il crie 8 heures, tout chavirant mon cœur, je pars une heure bien qu'aux petites heures du matin. Quand je suis à temps, coucou, mais autrement, ouh, parce qu'il est gentil et charmant, mon petit coucou. C'est un oiseau qui jamais ne se laisse prendre, il connaît tous les rendez-vous, comment s'y rendre. Et dans les affaires d'amour, mon tico est là toujours, qui me dit peu importe la nuit ou le jour. Oh, j'entends mon petit tico qui m'appelle, il semble dire que c'est l'heure d'être fidèle. Oh, oh, oh, oh, on dirait que mon cœur fait croc, tico, tico, tico, tico, tico, tac. you touch me like a dew. Hold your bed as I cry. Tis a pity she was a whore. Tis my curse, I suppose. That was patrol. That was patrol. This is the explosif, le groupe Bernard. Des gens déjantés comme on les aime, les voici maintenant sur CKRL, le groupe Bernard. Ici, c'est chez moi en plus grand. Je regarde passer les gens. À l'abri des intempéries, ce sent la vraie vie. J'ai mon journal et mon sous-bac, mon demi-pression, mon paquet de clopes. Parfois je me pas des cacahuètes, et là c'est la fête. Je connais très bien le patron. Il m'appelle par mon prénom, Monsieur Bernard. Et puis d'ailleurs, on se tutoie. Et ça, c'est sympa. Je suis le meilleur en flipper. Me défends pas mal au baby. Oui madame. Je consomme des jambons beurre quand j'en ai envie. Oui monsieur. Oui madame. Oui monsieur, oui madame. Quand j'en ai envie. Comme disait Roger le serveur, pas plus tard qu'avant hier au soir. Si c'est pas ça, c'est quoi le bonheur? Trinqué au comptoir. Grâce à mon statut d'habitué, ma place au fond est réservée. Ici personne pour me parler, ni pour m'emmerder. Le meilleur moment de ma journée, c'est quand Roger vient m'apporter le verre que je lui ai pas demandé. Ici on me connaît. Les copains savent où me trouver. S'il pénètre mon territoire, j'offre toujours un petit godet. Je sais recevoir. J'aime mon débit de boisson le soir en rentrant du charbon. Je n'y fais rien, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. J'aime mon débit, j'aime mon débit de bois. J'aime mon débit, j'aime mon débit de bois. J'aime mon débit, j'aime mon débit de bois. J'aime mon débit, j'aime mon débit de bois. J'aime mon débit, j'aime mon débit de boisson. Je n'y fais rien de rien. C'est ça qui est bon. Ça va bien, vous? Nous, ça va. Mais tant mieux. Voilà. Salut. Hey, enchanté. Hey, mon Dieu, ça fait longtemps que t'es dehors, hein? Mon Dieu. Pourquoi mon Dieu? Ben parce que t'as les mains froides. Mais j'ai les mains froides. OK. Mais il est pour rien, là. Ah non, non. Allô? Alors Anne, quand, oui, pas... oui, qu'on s'est pas on s'est pas rencontré. Non, non, non, non. OK. Enchanté. Le ukulélé géant. Oui, oui, oui, c'est ça, oui, exactement. On se fait interviewer par un Québécois. Là, j'ai les bonnes cartes. Les bonnes cartes. Ben parce que la dernière fois, j'avais pris les conseils d'un. D'un technicien son complètement... Ben, à Pigalle, et puis il m'a dit que leur carte maison était plus intéressante que le scan-disc que j'avais. Ouais. Mais je me suis rendu compte que ce petit magnéto n'acceptait que trois sortes de cartes. Ce qui fait qu'en fait, l'interview, il n'est pas enregistré. Ben, c'est pour ça que je suis... Que je, ça n'a pas marché? Non, ça n'a pas fonctionné. Ah! Non, mais... Bon moment, on n'a pas sur un bon moment. Non, hein, non, mais tu ne savais pas? Non? Non, mais hey, en 17 ans, c'est la première fois que ça m'arrive. Merde, alors. Oui, parce que j'ai fait confiance. Non, c'est parce que j'ai fait confiance à quelqu'un de Pigalle. Ouais, voilà. Parce que quand j'ai réécouté... Non, mais OK, c'est le seul à savoir. Mais je savais pas, moi. C'est quoi? Ça n'a pas marché, l'interview de l'autre fois. C'est pas vrai. Ben, tu le savais, je te l'ai envoyé. Ah, j'ai pas compris comme ça. Ben non, oui, ben oui, j'ai fait confiance. Je suis allé parce que j'avais plus de temps. Non, mais j'avais plus d'espace sur ma oh, carte. Putain, okay? On avait des trucs super bien. Ben oui, non, mais écoute, ça risque d'être meilleur. Et puis, oui, c'est ça. Puis je suis allé à Pigalle. Et puis le type qui vendait des cordes à guitare et plein de trucs de même m'avait conseillé la carte maison. Okay? Une carte que lui, de sa compagnie. Donc, je l'ai essayé. Oui, oui, oui. Je l'ai essayé, ça fonctionnait, mais quand je l'ai écouté, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait rien? Il y avait un blanc. C'est pas que les micros n'étaient pas activés? Pas du tout, non, mais parce que les micros sont intégrés, il n'y a pas de prise. Une fois que la pile est là, que la carte est là, moi ça me disait comme là, il tourne actuellement, ok, ça tourne. Et là, c'est sûr que ça marche? Oui, non, parce que j'en ai fait 12 avant. Mais ah oui, j'avais pas capté. Ouais. Non, mais ça, c'est un scan disque. La carte, c'est une scan-disc. Tu connais? Oui, ben, c'est une marque de c'est mémoire, ça, mais ouais. Ben, c'est une des meilleures. Ouais. Okay? Et mon appareil, je croyais qu'il pouvait prendre n'importe quelle carte, mais non, il ne prend que trois cartes, dont la scan-disc. C'est pour ça que je suis ici. D'accord, c'est pour d'accord. en fait reprendre parce que vous, vous êtes déjà sur mon horaire planifié pour dans 3 semaines. D'accord. Donc, j'ai... Ça commence à être connu. J'ai l'horaire, mais je n'ai pas la rencontre encore. Donc, cette rencontre-là sera faite immédiatement en arrivant. Oui, c'est ça. Ben ouais, ben aujourd'hui, il y a Anne. Oui, mais ben oui, ben moi, c'est oui. Et puis en plus, on va jouer un peu de musique. Ben oui, parfait. Un peu, oui, c'est ça, une guitare. On va jouer un peu l'intérieur. Ah, ben oui. Ah, ben oui. Ben la rencontre, on va la faire à l'intérieur ou ici? On peut le faire à l'intérieur. Ben moi, je suppose. Ah, ben. Est-ce qu'il y a trop de monde ou. Oh, on va. De toute façon, on va aller au fond pour jouer. On va jouer dedans. Okay. On va demander l'attention. Okay. Après, pour se parler, je sais pas. Mais est-ce qu'il y a une genre de petite table ici au fond? Il y a des tables au fond. On va aller voir l'ambiance du café. Ouais, sauf qu'il met la musique un peu balèze plus fort que... Non, mais on va placer les micros peut-être dans un endroit un peu plus... pour que... non, on peut aller dans l'arrière. Non, mais c'est déjà arrivé au Sancerre. Ouais, il y a moins de monde derrière. Je l'avais fait au Sancerre, puis la porte arrive... Alors, on entend au corps de tour, là... Alors, comme vous fumez, on va attendre que la cigarette soit brûlée. Ça marche. Mais sinon, je suis content. Je suis très heureux de vous revoir. Mais je croyais que tu savais que si j'étais ici, c'est parce qu'il y avait... J'avais pas compris ça. Mais qu'est-ce que tu avais compris? J'avais compris que tu nous avais dit que tu repassais à Paris en février. Oui. Et puis, comme il n'y avait pas le temps ou je sais pas quoi, la dernière fois qu'on jouait un petit morceau, je me suis dit, oh, bon, il nous recontacte pour... Ah non, voilà, c'est ça. C'est parce qu'en fait, il y a deux rencontres que j'ai moffées, malheureusement. Lowell et vous. Lowell, tu connais? Oui. Bon, ben, je devais le rencontrer pour un repas aujourd'hui, mais comme il travaillait, puis il travaille très peu, je vais le revoir, je crois, c'est après-demain. Donc, on refait la rencontre. Puis lui aussi, il est placé dans mon horaire, mais j'ai pas... Pas la matière, quoi. Ben, j'ai pas de matière, mais j'ai l'horaire déjà calé. Donc, il faut que je trouve un moment pour le rencontrer, parce qu'il est sur l'horaire de la rentrée. Donc, d'accord. C'est ça. Okay. Donc, mais là, c'est bien parce qu'on va pouvoir jouer en plus. Ouais, on leur a demandé, oui, il n'y a pas de lézard. Ah, puis ça n'a pas été un problème? Non. Non, mais c'est un peu notre QG. OK, oui. Et vous jouez souvent là, il paraît? On joue ici une fois par mois, concert répète, quoi. OK. Toi. Et si ça se trompe, si vous vous trompez, tout le monde le sait? Ouais, mais on n'en a rien à foutre. C'est clair, mais je croyais que c'était un peu plus loin. Mais ça me prend 2 minutes, hein? Bah, t'es juste au-dessus. Oui, c'est ça, oui, c'est 2 minutes. Puis en plus, t'as de la chance, il y a Ferdi, il y a Stéphane, il y a Philippe. Et il y a le fan, ben c'est le fan club. Alors il n'y a pas Fouette derrière le bar, il y a Abdel. Non, c'est pas le fan club. Philippe. Si, ça fait partie sauf Philippe. Ah, c'est lui qui va. C'est le fan club sauf Philippe. On va mettre un peu d'ambiance. Non, c'est. En fait, on vient là souvent, quoi. Puis il y a des habitués, il y a Annie au bar, tout ça. Ah, mais tout le monde vous connaissez. Oui, à peu près, ouais. Plus ou moins, pas les jeunes. pas encore. Ça viendra. Ah, ben oui, c'est vrai. Ouais, on joue tout là. Petite ambiance cabaret. La vie de grand-père, c'est une planque, t'as pas idée. Quand t'en as marre, t'as juste à te laisser crever. Bien sûr, il faut t'aimer jardiner. Bien sûr, faire pousser des navets. Bien sûr, les arroser quotidiennement. Bien sûr, mettre des gants. Oui, ben bon, mais moi je voudrais bouffer de la soupe tous les soirs, devenir vieux et puis n'avoir plus jamais rien à vous prouver, plus jamais besoin de travailler, plus jamais besoin de travailler. Papa le bobola, papa le boulot, papa le bobola, papa le boulot. Papa le douleur, papa le douleur. C'est vrai, faut savoir jouer au domino, que souvent ça fait mal au dos. C'est vrai, qu'il faut se fader les marmots, avaler les flancs aux pruneaux, de la même air qu'a plus de sa tête. Je peux m'endormir devant le rugby à la télé, faire une belote avec les potes après manger. Demain matin j'aimerais bien me réveiller, les cheveux blancs, les jambes et les bras tout mouillés. Papa pa le doudoy, papa pa le doudoy, papa pa le doudoy, papa pa le doudoy, papa pa le doudoy, papa pa le doudoy. J'aurai des tonnes de souvenirs à raconter à des gamins leurs grands yeux écarquillés. Grand-père, j'aurais pas bien aimé vivre la guerre, mais la raconter, ça oui, je veux bien le faire. Vous travaillez tous, hein? Vous avez un travail à côté? Ouais, sauf monsieur, ouais. C'est vrai. Je fais que de la musique et Anne aussi. Ah oui, ok. Ouais. Mais elle travaille avec d'autres groupes? Ouais. Ok. Elle joue avec pas mal de monde. Ah ouais, alors ça doit être difficile à trouver quand. Bah, des fois, au niveau agenda, voilà. C'est possible, t'as ça. T'as de la chance de l'avoir. Ah ouais, c'est ça, exactement. Bah, c'est vraiment plus, hein. Au départ, elle devait pas pouvoir venir ce soir. Ah oui? Elle a une date demain soir en province. Et? Avec Frédéric Fromet, je sais pas si tu connais. Bref. Et comme demain, il n'y a pas de train, c'est la grève, etc. C'est demain la grève, Ouais. Il était question qu'elle parte ce soir. Ok. Et en fait, bref, voilà. En fait, elle est là. Alors demain, il ne faut pas planifier de partir. Ah non. C'est pas le bon plan. C'est mal barré. Si je prends l'avion, j'espère que ça ne va pas... C'est pareil. Ah, la SNCF a dit que pas de préavis de grève. Ah non, mais moi je prends Uber, un genre de truc. Allez manifester, mais on fait pas chier les usagers. Ben là, c'est certain. Donc les avions, je sais pas. Ben okay. Non, ben là, les avions vont partir, voyons. Je sais pas. Ben là, oui. Les avions, normalement, je sais pas. On verra. Toi, tu repars demain? Non, c'est samedi. Bah, renseigne-toi quand même. Allez, santé. Bon, ben, il y a Crenel qui boit pas. Non, mais on va... Ben, je vais aller chercher quelque chose. Ah ben, alors... Ça va aller? J'aurais pu... Tu dis c'est pour Bernard? Ouais. C'est Abdel, il s'appelle. Le jeune? Enfin, celui qui... Ouais. Abdel? En blanc? Je sais pas qui fait gaffe à ses fringues. Il a une petite queue. C'est à ramener. Il y a des cartes de mémoire là. Ça, je ne sais pas. Merci, super. Ah oui, j'avais pas du tout compris que ça n'avait pas marché. Non, non plus. Mais en plus, il nous avait dit, de toute façon, je repasse et je viendrai vous enregistrer chez Amad. C'est pour ça que je comprends. C'est ce qu'il avait dit. Non, il me semble pas. Il avait dit, je repasse en février, on va faire un et je vous enregistrerai en train de jouer. Ou alors, il s'est rendu compte pendant qu'il nous interviewait. Ça s'attire sur le moi, c'est rigolo. Merde. C'est la première fois que ça m'arrive à cliquer. Je tombe dessus. C'est drôle. Ah, ça n'a pas marché. Il fallait réveiller un peu les cons, c'est mieux. Ouais, ça fait vintage. Ouais. Bon, bah, Fouad, il se repose. Hein. Ouais, bah, en même temps, il a raison. Ah, parce qu'ils sont ouverts le dimanche. C'est son jour off. Ouais. Et il avait dit à Bertrand, bah, du coup, je viens lundi. Mais bon. Ah, tu t'évites de péter, c'est bon. Bah, enfin. Et alors, c'est quoi ton truc d'août? Le truc d'août? Ah, la fête de la moule. Ah ouais, je te raconte. Il y a une fête de la moule le 12 août. Encore calé dans le marbre, hein. Mais il est question d'eux. Bérangère la fête de la moule gravée dans le marbre. Bérangère a été contacté par le contact officiel de Bernard. Par le comité des fêtes ou je sais pas quoi, enfin bref, de Créhun, c'est un petit bled en Bretagne, à côté de Dinan. Ah oui. Qui, alors le truc rigolo pour, ah oui, c'est près de Dinan, pour moi et Bérangère, c'est qu'en fait nous on connaît très bien Créhun, parce que il y a des patineuses de roller qui venaient du club de Créhun qui sont venues à Montreuil, et notamment la femme de notre meilleur ami, et on se connaît tous par le roller, etc. vient de Créhun. Donc on connaît très bien Créhun, on a déjà été chez elle. Et t'écris comment Créhun? C-R-E-H-E-N. H-E-N. E-N. Créhun. Et tous les ans à Créhun, au mois d'août, il y a la fête de la moule. Est-ce que ça donne sur la plage? Il y a, les micros sont allumés, ça va faire scratch. Et Ça ouais, si. Oui, je pense. Et donc à Créen, il y a la fête de la moule tous les ans. Et donc Berger a été contacté officiellement. Ouais, est-ce que ça vous dirait de jouer pour la fête de la moule, je sais pas quoi. Alors Berger a fait, oui, pourquoi pas, je vais leur demander si oui, mais comment vous êtes tombé sur nous, quoi. Alors, j'avais dit, il lui avait dit, ouais, les réseaux sociaux, je sais pas quoi, en fait, c'est pas exactement ça. Ouais. Il lui a dit, bah écoutez, on a vu sur les réseaux sociaux, machin, Bernard, j'ai été écouté, et en plus, vous avez postulé au festival Festilac, je fais partie du comité qui machin, Festilac, ça peut pas le faire, mais on s'est dit que ça pourrait correspondre. Bon, on a vérifié, nous n'avons jamais postulé à aucun festival qui fait Festilac. Il confond un autre Bernard Jean. Bah non, a priori non, parce qu'il a été écouté, vraiment. Il a été écouté, il a été chopé l'adresse, donc il est tombé. Ménez, voilà. Bernard Ménez. Bon, enfin, il a été écouté, mais il a vraiment écouté, hein. il n'y a pas de problème là-dessus. J'espère que vous avez mais du coup, de choses étranges. On a dit du mal. On a dit, ah, oh là là là, on a dit beaucoup de mal. Mais ça, tu voyais facile. De toute façon, du coup, il a demandé un devis à Bérangère, et donc Bérangère, là, lui fait un devis pour essayer de charger un petit peu, comme c'est subventionné et tout. Mais on va avoir des news très bientôt. Mais normalement, ça devrait faire. C'est eux qui nous ont contactés, normalement, ils sont d'accord. Et donc c'est le 12 août. Et c'est pareil, si ça se cale, bah, on va essayer de... Peut-être si tu fais rire, spot ce qu'il y avait un peu de avant. Ouais. On va s'organiser, mais là l'idée c'est de faire un plan qui soit bien payé. Quoi. On va essayer de faire un truc. Santé. Santé. C'est la même chose, oui. Ouais, moi j'ai. Non, c'est Casanis. Ah, Casanis, monsieur. C'est un peu le même principe. Oui, c'est ça, oui, oui, moi je connais. Je connais. C'est Reynald ? Oui. Reynald. Reynald. Alors bonjour, ben bonsoir ou bonjour les Bernards. Salut Reynald. Très heureux de vous revoir. On a toute l'équipe ici aujourd'hui. Contrairement à la dernière fois dans laquelle on s'est retrouvé un peu. Chambranlant avec les magnétos qui ne fonctionnaient pas très bien, mais là maintenant tout est correct, tout est fonctionnel, tout est numéro 1, ça... on va faire une belle rencontre, ne vous en faites pas, enfin on croise les doigts. Est-ce que tu veux qu'on demande à Ahmad qu'il baisse un petit peu la musique? Moi ça me dérange pas. Ça, tu penses... Non, pas du tout. Ok. Parce qu'en fait les micros vont tout capter, puis comme le son est loin, on n'entendra pas... Ok. Alors, vous êtes un groupe quand même qui a été fondé il y a 4-5 ans. Ouais. Mais vous n'étiez pas toute l'équipe au début, il y a des membres qui se sont greffés après. Ouais, mais à l'origine, vous étiez deux. Mais non, mais continue. Ouais, c'est ça, non, façon... non, non, vas-y. Il a déjà entendu l'histoire. Mais c'est ça, c'est bizarre. Hein. C'est bien, il a bien retenu. Alors, vous étiez un duo. Ouais, au départ, on était Mathias et moi. Oui. Guitare chant, quoi. Guitare. Oui. Ouais. Je dis guitare. Et compositeur aussi, tu composais. Ouais, ouais, pour l'essentiel, ouais. Moi j'écris. Okay. Et puis et Mathias arrange, quoi. Mm-hmm. Et puis transforme des chansons qui sont un peu chansons françaises avec un piano ou une guitare en bois en truc un peu plus rock. Okay. Même carrément rock. Voilà. Elle me dit, tous les jours elle me dit bonjour, elle me dit mon amour. Elle me dit, tous les jours elle me dit bonjour, elle me dit mon amour. Elle me dit, tous les jours elle me dit bonjour, elle me dit c'est toi le plus beau, le plus costaud, le plus marrant, le plus gentil tout le temps, le plus intelligent des gens. Tous les jours elle me dit bonjour, elle me dit mon amour. Elle me dit, tous les jours elle me dit bonjour, elle me dit mon amour. Elle me dit, tous les jours elle me dit bonjour, elle me dit c'est toi le plus doux, le plus bourré de qualité. Ah, ça soit sur mes genoux, bisous dans le cou par tous les jours. C'est la femme de ma vie, celle qui me délasse, oui les godasses. Elle m'embrasse, elle me masse, elle m'enlace, elle me passe tout. Tous les jours elle me dit bonjour, elle me dit mon amour. Elle me dit, tous les jours elle me dit bonjour, elle me dit mon amour. Elle me dit, mais y'a des jours comme ça, je reste là. Y'a des jours comme ça, sur ma faim, sans son corps, sans ses mains, sans sa voix. Y'a des jours comme ça, mes illusions, plein l'estomac, chacun chez soi. Prétexte qu'on se connaît pas, elle me laisse là, elle est un peu nous conne ou quoi. Mon amour, me dit mon amour. Elle me dit. Tous les jours elle me dit bonjour. Elle me dit mon amour. Elle me dit. Tous les jours elle me dit bonjour. Elle me dit c'est toi le mieux. Proportionner le ciel bleu peut bien s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. C'est la femme de ma vie, celle qui me délaisse, oui les godasses. Elle m'embrasse, elle me masse, elle m'enlace, elle me passe tout. Tous les jours elle me dit bonjour, elle me dit mon amour. Elle me dit. Tous les jours elle me dit bonjour, elle me dit mon amour. Elle me dit. Tous les jours elle me dit bonjour, elle me dit mon amour. Un peu plus rentre dedans. Ouais, dans l'énergie. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Et après, le gros membre, oui. Après, bah, alors donc il y a à peu près deux ans maintenant. Oui. Deux ans. Luc, qui est harmoniciste, on se connaît depuis plus longtemps que ça, de bistrot, quoi. Et c'est un bon harmoniciste et tout, et puis c'est un copain, enfin on est copains. Et sur la pochette, on le voit aussi avec vous dans le lit. Voilà. En fait, on avait sorti un premier album à deux. Oui. Qui s'appelait Dans ton salon sur le canapé. Mm-hmm, c'est ça. Et puis depuis que Luc est arrivé, bah, on a sorti un deuxième album. Dans ton lit. Dans ton lit. Et on a conçu Anne après. Et voilà, c'est ça. Venu des cieux. Voilà, je suis Gabriel. Pas loin, pas loin. Et voilà, qui joue de la contrebasse, mais vas-y, ouais. Non, c'est parce que je me demandais, tu joues dans le premier album ou ben non. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment que deux. Non, mais tu sais, il y a des gens rajoutés, enfin, il y a des invités. Il n'y en a pas tant que ça. Il me semblait qu'il y avait un harmonica, mais non, c'est la guitare. En tout cas, il n'y a pas d'harmonica dans le premier. Je me suis demandé à un moment, c'était l'année. Ouais, non, non. Ouais, j'étais bluffé. Ouais. C'est plus dans le deuxième qu'il y a des invités d'ailleurs. Ah bah oui, d'accord. Dans le premier, je crois pas qu'il y ait trop tellement d'invités. Si, il y a Driss. Ah oui. Driss qui est mon fils. Ah bah oui, puis il y a. Non, mais par contre, il y a des batteries. Enfin, c'est Mathias qui est le petit instrumentiste. Mais toi, tu t'es inscrite au groupe à la toute fin de 2022. Ben exactement. Oh non, pas la toute fin, avril. Avril, ok. C'était pour faire la fête de Lutte ouvrière. Ah oui. Qui était en mai, c'est ça? C'est ça, en mai. Ouais. Ouais. Donc on a répété un petit peu avant. Et puis. Voilà. Et en fait, l'ajout d'un autre instrument a donné une autre version, une autre. Parce que là, c'était juste un duo, maintenant, c'est rendu un quatuor. Ouais. Donc, on sent que c'est plus festif, on sent que c'est moins. Ça envoie plus, en tout cas. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Ouais, ça garoche, comme on dit chez nous. Ah, c'est garoche. Ça garoche. Ça garoche quelque chose. Ah, garoche. Tirer quelque chose, ça garoche. En fait, on a. À l'époque, avec Bertrand, Bertrand a adapté 5 textes de la Commune. Oui. C'était l'année des 150 ans de la Commune de Paris. Bertrand a adapté 5 textes de la Commune en chanson à Bernard. On a fait la musique comme une chanson de Bernard, quoi, sur les textes de la Commune. Et la fête de Lutte ouvrière nous a proposé de venir les jouer sur la grande scène. Donc c'est quand même une scène un peu mouse costaud, quoi, avec une grosse programmation, pour jouer nos 5 titres. Et là on s'est dit, on a joué après Swan Massy, enfin des trucs vraiment costauds. Et on s'est dit, si on déboule sur la grande scène, juste après des grands noms, avec notre guitare en bois, ça risque de faire un peu petit. Et on s'est dit, ce serait bien s'il y a un peu de basse, un truc au moins, tu vois, un peu de bas, etc. Et donc on a pensé à Anne, qu'on avait croisée pour diverses raisons, notamment à la Commune, qui habite dans la même ville que moi. Et Anne a dit, ça me branche, pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'Anne est arrivée. C'est, au départ, c'était en bossant ces 5 titres pour faire un gros concert. Mais Anne, est-ce que tu connaissais la musique? Est-ce que tu connaissais les chansons pour... Eh bien, on s'était vu une fête du Parti communiste, qui était sur la camarade. Mais c'est à Montreuil, enfin dans ma vie, non, ça va. Une fête du Parti communiste pour l'anniversaire de la Commune. Pour l'anniversaire, oui, pour l'anniversaire. Et vous n'avez rien à voir avec le Parti communiste? Ben non, mais bon, par contre, pour la Commune, ouais. Ok, parfait. Okay. Parce que moi, j'avais accompagné les brigades de Louise Michel, je crois que ça s'appelait. Qui n'existe plus. C'est une chorale. Louise Michel, oui, ça fait. Ah oui, Louise Michel, oui. Et la brigade, c'était une chorale, qui s'est un peu montée pendant le confinement. Ah oui. Et c'était un peu une lutte pour quand même aller chanter, même si on n'est pas droit de sortir. Ah oui, contestation. Ouais, un petit peu. Et donc, moi, elle m'avait branché, parce que je connaissais des nanas, surtout un accordéoniste qui m'avait branché aussi. Et puis, pour la fête du Parti communiste, personne ne pouvait, il n'y avait que moi qui ne connaissais pas tellement cette chorale-là, mais quand même, j'y suis allée, et on s'est bien amusé. Et puis là, il y avait Bernard qui jouait. Tous les deux, vous étiez que tous les deux d'ailleurs. Non, il y avait Luc. Luc était là. Il y avait Luc. Ouais, il y avait Luc. Tu vois. Il y avait Driss aussi qui chantait. Ah oui, je me souviens de Driss, mais pas de Luc. Je vais t'expliquer pourquoi. Il était discret. Ces messieurs avaient des micros HF. Moi j'avais encore qu'un câble relié à mon ampli et je ne pouvais pas bouger, donc ces messieurs partaient. C'est pour ça que j'étais à côté de mon ampli. Et lui il était bloqué sur la scène. Ah c'est... faisait pas chier. C'est vrai qu'il faisait pas chier. Oui, mais t'étais comme un invité fantôme. On t'entendait, mais on te voyait pas. Voilà. Ok, ah oui. Alors, les gens qui entendaient un accordé. Un harmonica regardaient partout où était l'harmonica, mais on l'entendait, mais on le voyait pas. Ah, puis on a un défaut, c'est qu'on a tendance à aller faire pas mal les cons dans le public. Ça, je me souviens. Okay. Ah, ouais, et ouais, c'est vrai qu'à l'époque, lui, il était coincé sur scène par le cap de son. Mais ça laisse. Depuis, il est en HM, donc maintenant, il va aussi faire le con dans le public. Mais du coup, effectivement, t'as dû retenir les deux bouffons qui allaient faire les cons dans le public. Carrément, la danse et tout ça avec les gens, je me souviens de ça. Il fallait les chauffer, mais en plus, ce qui était vachement difficile, c'est que il y avait un extérieur et il y avait un groupe très très rock, mais vraiment très amplifié, qui jouait. Ah oui, et eux, ça, ils c'est... ont demandé, normalement ils étaient après vous, et ils ont demandé à jouer avant vous, donc vous passiez après un espèce de gros son. Qui t'a battu, et tout d'un coup. Parce qu'après ça, les oreilles cirent hein, quand t'as un groupe, puis vous arrivez à ah, c'était, ah ouais, je me souviens ouais. que c'était super bien, c'était avec la clarinette et tout, je me souviens. Mais la réaction suite à ça, quand les groupes au niveau sonore ne se ressemblent pas, est-ce que les gens acceptent quand même fallait que vous veniez les chercher là. Difficile. Faut y aller, mais pourquoi pas. Mais pour ça, aimez-vous plus aller les chercher ou des gens qui sont déjà conquis? Non, là, fallait aller les chercher. Là, ce soir-là, ouais, c'était... Aimez-vous mieux les conquérir ou les... Les deux. Ouais. Les deux. On va pas se mentir, c'est agréable d'avoir des gens en face qui te connaissent et qui sont déjà conquis en fait. Mais c'est moins fatigant aussi. On va se mentir. Mais c'est vrai. Quand tu commences à jouer et que direct en face, ils savent ce qu'ils vont attendre et ils sont hyper contents, mais ça va te mettre dedans. Ah oui, ok, ouais. Après, c'est un truc qu'on aime bien quand même parce que tous les deux, avant que Luc arrive, on faisait des concerts pirates, c'est-à-dire on arrivait dans le bar puis on commençait à jouer. Okay. Alors, vous le droit. Deux fois sur trois, on se faisait virer ou alors. Ah oui, c'est ça. Ou une fois sur deux. Vous êtes là dessus. Ouais, voilà. Sans demander à personne. Ouais. Alors c'est soit ça passe ou ça casse. Voilà. Mais normalement ça cassait ou ça passait? Une fois sur deux, quoi. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est très... Ça permettait de répéter puis d'essayer de voir un peu. Ouais, de voir les réactions des gens, est-ce que ça fonctionne ou pas. C'est vrai. Et sans rien demander. Si, on demandait quand même au gars derrière le bar. Ok, de arrêter la musique. Ouais, est-ce que tu peux arrêter la musique? On va faire une chanson. Et puis si la première chanson, il se passe rien... On s'en va, on fuit. Ou alors, poursuit. Ou alors ça fait chier, on nous le dit, et on s'en va. Bon, ça va, on n'est pas des punks. Exactement, c'est moins. On n'a pas envie de se faire casser la gueule, mais c'était un exercice. Mais c'est super. C'est marrant. En même temps, quand comme les gens qui jouent dans le métro, toi, personne n'en a rien à foutre, mais des fois ça accroche. Mais c'est le pied. Ah ouais. Ouais, mais c'est moins d'imposition parce que tu pars, tandis que là, les gens sont là pour prendre un verre et vous arrivez. Ils sont chez eux. C'est un peu un attentat, ouais. Un peu. Alors, mais c'est ça l'intérêt, si vous arrivez à conquérir ces gens-là, c'est déjà gagné. Mais alors c'est une école. C'est ça. Dans le métro aussi. De toute façon, c'est une école. C'est l'école à Bernard. C'est vrai. Mais c'est vachement bien. Une école. Moi, je sais qu'au début, j'osais rien du tout. Okay. J'étais derrière Bertrand, même le tout premier concert, j'étais assis. Il m'énerve un peu. Machin. C'est vrai que maintenant, je prends du plaisir. Il faut sinon. Aller les chercher, aller faire le con avec le public. C'est venu petit à petit, c'est un vrai plaisir en fait. Mais votre premier disque, les avez-vous chanté beaucoup avant des Andisqués ou si les chansons étaient neuves et venaient tout juste de... Ça dépend lesquelles. Il y a beaucoup de chansons qu'on a que enregistrées et qu'en fait on ne joue jamais pourquoi en public. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'on les a pas travaillées comme ça. Ils sont nuls. En fait, au départ, c'est... Parler de tes ennuis. T'as pas besoin non plus de me donner ton avis. Ton travail, tes enfants, tes amis. M'en fous, merci. Le printemps, on l'a dans l'eau. On a plus le temps, les cheveux blancs. Laisse-moi t'aider. Un clou et ton bec tire un bon coup. Le robinet et cher moine. Je vis et Elisabeth. Garde-moi un date, Elisabeth. Elisabeth, comme bla bla bla. Quand j'aperçois ta silhouette, Elisabeth, même de très loin, je lâche les chiens. Le temps passe à une de ses vitesses, j'ai levé le frein. Fais-moi de la place dans ton emploi du temps, desserre les fesses, laisse-moi t'aider. Un clou et ton bec tire un bon coup. Le bobinet est cher et moelle. Je vis qu'à Elisabeth. Garde-moi en tête, Elisabeth. Garde-moi en tête, Elisabeth. Comme un bla bla bla. Bien la que je te taille. Mais si des fois tu bailles, mettons à la rigueur. Même si j'aime pas l'odeur, que je t'offre des fleurs et un petit pot de beurre. N'aie pas peur, laisse-moi t'aider. Un clou et ton bec tire un bon coup là. Bobinette et serre-moi là. Ce billet d'Elisabeth. Vous les avez indiqués. Non, non, non, mais en fait, au départ, il y avait deux trucs. C'est ça au départ, quand on était tous les deux avec Bertrand, il y avait deux, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Tu m'arrêtes si tu penses pas pareil. Moi, c'est comme ça que je le vois. Au départ, avec Bertrand, il y avait deux trucs quand on a fait Bernard. C'est qu'il y avait le plaisir d'aller jouer nos chansons comme ça. Et il y avait aussi le plaisir de se retrouver à la maison et d'enregistrer. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, ok. Donc, c'était deux facettes. Deux exercices différents. Et du coup, c'était un vrai plaisir. Et là, on a arrangé vachement plus. On a rajouté des instruments qu'on savait jouer. Donc, c'était pas que chant guitare. D'ailleurs, même au début, on osait pas faire du rock'n'roll vraiment. Ouais, c'est vrai. Et puis maintenant, bon bah c'est bon. Voilà, après ça a évolué, mais au départ il y avait vraiment deux facettes. Il y avait le côté quand on joue en public dans les bars, et puis il y avait le côté vraiment enregistrement disque. Ouais. Voilà. Donc de fait, il y a des morceaux qu'on a uniquement enregistrés, qu'on n'a jamais joué en public. Voilà. Et c'était les deux facettes du groupe. Est-ce que vous voulez les reconquérir ces chansons-là ou ça... Tout est ouvert. Pourquoi tout pas, mais on pense pas forcément. L'idée c'est quand même d'en faire des nouvelles, parce qu'il y a Luc, il y a Anne. Voilà. Ok, ouais, c'est ça. Des trucs à quatre. Anne vient d'amener une chanson là, puis voilà. J'espère qu'il y en aura d'autres. Luc, il peut avoir des idées, évidemment, enfin, puis poétique. Ouais, avec des poèmes. Et c'est vrai que plutôt que de revenir sur des vieilles chansons, en essayant de rajouter de la mettre au bout. Faisons des nouvelles, qui que ce soit qui l'ait amené, peu importe, mais en tout cas de faire un truc. C'est la caution poétique. Ah, c'est beau, c'est bien, il en faut de la poésie. C'est la danse et la poésie. C'est aussi la caution distinction. Ok, distinction. Ouais, ouais. Ok, c'est le côté classe. Bien habillé, un peu classe. Ah, clair, ben oui. Il y a un truc le cachet, important. Le cachet. C'est vrai que, mais pour nous quatre, hein, on est toujours bien habillés. Ah bah, c'est un truc. Mais au moins vous êtes habillés. C'est pas comme les hip hop. Quoique, on sait pas. Qu'est-ce qui se passe. Mais attends, le premier disque, les chansons n'ont pas vécu trop sur scène. Si, ça dépend lesquelles. Si, et d'ailleurs, à l'heure actuelle, encore maintenant, je pense que la majorité des chansons qu'on joue quand on fait un concert. Et qui existe sur des disques, c'est plutôt du premier album. Ouais, parce qu'on avait choisi pour le premier les plus efficaces. Ouais, quoi. Ok, ouais, ouais, c'est vrai. Puis moi, j'aime bien, tu vois, je les écoute, puis je leur dis, tiens, mais pourquoi on chante pas celle-là? Puis ah, bah, on pourrait pour leur travail. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que toi, tu dis ça. En fait, on l'a rajouté comme ça. Ah, elle me dit comme ça. Ouais, alors, autant Luc, c'est la caution élégante, autant Anne, c'est la fraîcheur. Oui, mais c'est ça, mais exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Puis elles sont bons. Elle a une oreille. Elle a une oreille nouvelle, donc elle peut amener son grain de sel. Tandis que vous autres, vous êtes des vieux renards qui connaissaient déjà toute la. Qui pue. Allons-y. Qui ont indisqué. C'est vrai, vous connaissez, c'est presque un trio avec une oreille nouvelle. Hey, attends, Philippe. Ah bon, en tout cas, elle arrive avec des nouvelles choses. Hein. Oui, c'est ça, c'est bien. Bon. Est-ce que c'est pour. Comme, en même temps, ça rafraîchit sans le vouloir, c'est arrivé comme ça. Bah ouais. C'est un instrument qui rafraîchit le groupe. Alors, je sais pas si ça rafraîchit ou je sais pas ce que ça fait, mais en tout cas, ça sonne pas pareil. Ça fait du bien. Et puis, ça rajoute un truc de fou. Hein. C'est... Ouais, ouais. Je pense que maintenant, quand on est tous les quatre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait il y a un an à trois. Enfin, rien à voir, faut pas exagérer, mais. Mais non, ça rajoute un truc. C'est pas pareil. Les basses, ça. Mais la qualité des musiciens. Luc, c'est un bon harmoniciste, bon improvisateur. Ouais. Vraiment. Anne, c'est une super contrebassiste, très rythmique. Elle joue aussi à l'archer, mais il y a un truc rythmique qui soutient. Ouais. Pour chanter, pour jouer de la guitare, pour même pour l'harmo. Qui assoit le truc et puis qui met du groove. Qui soutient beaucoup, mais surtout, quand même, ce qui fait que ça marche pas mal, c'est qu'on se rend la gueule. Ouais, c'est ça. Parce que Anne, dès qu'elle ouvre la bouche, moi je suis mort de rien. Tout le monde. Voilà. On rigole bien. Mais c'est ce qu'il faut, parce que c'est tellement élégant que vous avez du plaisir. Une admiration permanente. moi je bave un petit peu. Non, mais en même temps, Mathias c'est... il s'énerve bêtement. Okay. Alors c'est marrant. Ah oui, ben oui. Alors il faut éteindre le feu. Hein? Il faut éteindre le feu. Puis il faut alimenter la foule. Donc c'est quand même un travail de tous les instants. Ouais, voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que un nouvel instrument. Je suis pas d'accord, je m'énerve pas bêtement. Non, mais ça, c'est en studio, pas devant le public. Oui, devant le public aussi. Non, mais moi, c'est dans la vie, je m'énerve tout le temps. Non, mais on a fait un stage de sourire. Ah oui, de zénitude. On a un coach sourire. Mais oui, comme Renaud. Mais. Depuis quelque temps. Hein. Mais c'est ça. Donc, il y a des instruments là-dedans qui amènent le côté festif. Et c'est ce que vous voulez aussi pour votre groupe, Bernard. Moi, je pense que le côté festif, il n'est pas tant dans les instruments que dans l'intention de ce qui sort de nous, en fait. Hein. Les instruments, oui, mais en fait, on pourrait faire un truc hyper triste avec les mêmes instruments. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on pourrait faire de la musique à se pendre avec une contrebasse, une guitare acoustique et un harmonica aussi. Mais toi, en travaillant avec plusieurs groupes, est-ce que tu arrives à couper les liens entre un groupe plus punk ou plus rock ou plus balmusien? Je sais pas si je coupe les liens. Liens, c'est quand même... Non, ça s'alimente, je pense. Mais... ouais, parce que tu vois, par exemple, Bertrand parlait de l'archet. J'ai toujours aimé mettre de l'archet dans les trucs rock, d'un coup, un peu incongru, ou vice-versa. Tout se regroupe. Je pense que ça me sert. Ça sert vachement d'avoir joué. On a tous joué dans d'autres trucs, hein, et ça sert, forcément. Mais est-ce qu'il faut pas oublier, dans votre groupe, il y a trois gars et une fille. Donc, est-ce que ça a changé un peu la façon de jouer, la façon de se comporter? Bah, quand on est en tournée, Non, mais là, c'est quand même bien. Hein, c'est... Quand on est en tournée, le matin, quand on se lève, on est obligé d'enfiler un caleçon. Oui, c'est ça. Ouais. Pour ça, maintenant, elle est attristée. Faut dire la vérité. Non, mais c'est ça. Et parce que quand même, il y a un minimum. Moi, j'ai carrément pris une douche ce matin. On était en tournée il y a 15 jours en Bretagne. Tu veux bien On a acheté un nouveau jean à Bertrand. C'est Bernard. Ok. Parce que c'était plus possible. Oh. Et ça, s'il n'y avait pas une femme dans le groupe, est-ce qu'on l'aurait fait? Franchement. Là, je sais pas. Pardon? Je sais pas, Luc. C'est une honte. Ah, c'est une honte. Mais le côté féminin du groupe, est-ce que sur le spectacle, ça se ressent en plus? En tout cas, il y a vachement de remarques du public. Oui. À chaque fois, ils disent « Mais les gars, et la contrebassiste, ils disent « Les gens attendent beaucoup qu'on présente la contrebassiste. » Et toi, tu es obligé de répondre. Tu réponds à chaque fois bien, je trouve. C'est toujours dans la classe. « Et oui, c'était prévu. » Ou je sais pas. On t'a oublié, mais comme les gens te réclament, on va te promettre. Attendez, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je pense que ça rajoute quelque chose. Enfin, c'est sûr que ça rajoute quelque chose. Non, mais on a fait la connerie d'imprimer 200 affiches avec nos trois gueules de con. Et il n'y a pas Anne dessus, alors forcément les gens disent, vous êtes misogyne ou quoi? Non, mais c'est un concours de circonstances. Non, mais pour la rigolade, ce que vous pourriez faire, c'est prendre une photo, toi tu fais un bonjour et vous collez. Ah oui, c'est ça. Bertrand, il l'a fait. Il l'a déjà fait, Bertrand. C'est déjà arrivé qu'il le fasse. C'est ça, mais il y en a juste 200, donc c'est pas compliqué là, de prendre 200 photos et de coller son visage avec. Oui, c'est ce que tu voulais faire. Et que t'as pas fait. Ah ben en fait, là, il y a des nouvelles affiches là avec Anne, là, si tu regarderas. Celle de samedi, il y a toi dessus, parce que comme il voulait un format A4, parce qu'il a plusieurs soirées cette semaine, donc pas une affiche trop grande. Quand c'est petit, tu peux être dessus. Du coup, j'ai dû faire une affiche spéciale. Parce que nos affiches de concert, entre guillemets, officielles qu'on distribue, on les a fait imprimer et elles sont gigantesques. Ah oui, ok, oui, oui. Donc quand il n'y a pas le choix qu'il faut des plus petites, j'en fais un jour. Ah, quand c'est petit, mais après, on a un stock. Le problème, c'est qu'on a un stock à écouler. C'est dur. En fait, Anne, elle est arrivée dans le groupe, on venait de faire du merchandising de deuxième album. On a fait quand elle n'était pas là, et on venait d'imprimer 250 affiches avec nos trois têtes de mecs. Donc maintenant on a un stock, on est comme des cons. Non mais en ne sachant pas, c'est un modèle économique si tu veux. Oui c'est ça, ouais. Une de moins ça doit être moins cher à l'impression aussi. On l'a souvent fait, hein, ce produit. Oh. Elles seront bientôt écoulées, il y aura vengeance, on va la mettre partout. Non mais t'as joué souvent sans savoir que les gens soient au courant que toi t'étais là. Tu sais, dans plusieurs de tes groupes, tu me dis qu'on ne te voit pas. Ah bon? Mais non, mais c'est pas ça que tu as dit sur les affiches, on ne te voit pas dans les autres groupes que tu... C'était une petite blague. Ok, parfait. Je pensais qu'on ne te voyait jamais. Je dis, non. Ah ben là, il faut bien reconnaître... Non, c'est vrai. Non, oui, il y a souvent, là, parce que là, c'est vraiment un groupe. Mais il y a souvent des gens avec qui on joue. Moi, je ne suis pas la tête d'affiche, donc je ne suis pas... Oui, tu les accompagnes. Oui, voilà. We'll be right back. gonzesse qui a de bien jolies fesses, je lui ferai des caresses si j'osais, mais j'osais pas. C'est une petite nana qui a de bien beaux appas. Je lui ferai du plat si j'osa, mais j'osa plus. Dans ma petite tête ça boue, il faut que je lui avoue. Un jour je lui dirai tout, chou-chou, caillou, chou, genou. C'est une petite minette qui a de bien jolies couettes. Je l'emmènerai sous ma couette si j'osette, mais j'osette pas. C'est une petite poupée qui a bien du toupet. Je l'emmènerai au touquet si j'osais, mais j'osais pas. Car je suis bien trop lâche, cent fois mes mots je mâche. C'est une bien lourde tâche, la vache. C'est une toute petite meuf, elle habite rue Marbeuf. Je lui ferai un effet bœuf si Joseph et Marie. C'est une bien jolie bombe qui de moi ferait un homme. Je lui ferai des bombes si j'osais, mais j'osais pas. Angela dans mes bras, c'est là que je voudrais que tu sois. Angela, je suis froid quand t'es pas là. Angela, j'ai si froid quand t'es pas là. Et à gla gla. Non, mais dans un... Ouais, mais souvent, un groupe, c'est un ensemble, c'est pas juste un leader et... Ouais, mais c'est vrai qu'Anne travaille beaucoup comme musicienne, quoi, comme intermittente, donc elle accompagne beaucoup des gens. Oui, c'est... Et voilà, et ça peut arriver même que tu remplaces un autre contrebassiste, par exemple. OK, alors, donc, souvent... Voilà, ouais. Tandis que là, c'est un groupe, là, c'est pas pareil. Il y a une autre personne, mais c'est pas moi, quoi. OK, c'est le contrebassiste. Oui, c'est comme au théâtre, des fois, l'actrice est pas là, mais on va la remplacer par une autre. Ouais, ouais, et puis, mais là, c'est carrément sur sexe. Oui. Et donc, du coup, ça fait beaucoup rire les gens. Quoi. Règle générale, on le remarque. Oui, j'ai souvent la remarque. Rémi. T'es mieux en vrai qu'en photo. Ouais. Oh, c'est bien. Tu marques des points. Non, tu marques des points. Ah, ouais, bah, je là, là, là, ouais. Non, mais... Parce que souvent, comme je mange beaucoup, on me dit plutôt l'inverse. Mais c'est qui dans le groupe qui est plus timide, qui est plus reculé, qui est moins. Je sais pas. Non, ce qui est marrant, c'est que on a des personnalités chacun. Donc, par exemple, l'autre jour, Anne a perdu sa contrebasse. Enfin, elle l'a retrouvée finalement. Elle l'avait oubliée. Okay. Ça caractérise Anne. Pas. Et quand elle le raconte, elle est morte de rire. Ça l'énerve même pas. Voilà. Mathias, c'est le rock'n'roll énervé. Okay. On a dit l'élégance est incarnée par. Et la poésie. Et la poésie. La poésie. Oui. Ben là, ça a changé. Là. Non, mais il y a 15 minutes, ça fonctionnait, mais là, ça fonctionne plus. Dépendant des jours ou des soirs. Ça dépend des jours. Ok, parfait, des jours. Là, et, toi, va, et toi, tu fais quoi, la tête ah, là, je peux pas dire. Non, ah, ok. Ah, bah, c'est il est trop timide. Bah, oui, c'est ça. Alors, c'est l'instit. C'est la tête pensante. Moi, je suis l'instit. C'est le moteur. Bah, je fais aucune faute. Non, c'est ça, non. Mais qu'est-ce que il nous reprend. C'est ça, le professeur, exactement. C'est vrai. Excuse-moi, la fesse, il y a deux S. Et une note. Mais qu'est-ce que tu vas te prendre le crayon pour écrire une chanson, n'importe comme... quoi. Qu'est-ce que tu vas prendre de crayon pour écrire une chanson? Ah, je sais pas, en ce moment par exemple, je suis encore dans les trucs de la commune parce que j'ai découvert en fait des gens très connus comme Eugène Potier ou Jean-Baptiste Clément, c'est pas du tout original. Mais quand tu lis, ils ont écrit tellement, et puis il n'y a pas que, il y en a d'autres. Il y a Émile Dereux, il y a plein de gens au 19e siècle qui écrivaient hyper bien. Et là, en ce moment, je continue à virer des bouts de texte. Parce que ça a trop vieilli, à virer les musiques et puis à proposer des musiques aux trois autres. En ce moment, c'est ça. Ouais. Donc voilà, et puis sinon. Ouais, mais tu fais pas que ça. Non, mais sinon, pour des nouvelles chansons, ça dépend de l'humeur, quoi. Je sais pas. J'ai beaucoup trop d'enfants, alors des fois, ça, je fais des chansons pour enfants aussi. Oh oui. Ouais. Sous une autre. On a fait un. Enfin, on a fait le premier truc qu'on a fait ensemble tous les deux. Ouais. Avant Bernard, mais juste avant. Okay. C'est ce qui nous a donné envie de faire Bernard. Et ben c'était une espèce de comédie musicale pour enfants, avec 9 chansons dedans qui racontent une histoire que Bertrand avait écrit, chansons pour enfants, et qu'on a arrangé, enregistré en disque et tout. Mais pourquoi tu voulais écrire pour les enfants? Parce que j'ai des mots. Okay. Et je leur chante des chansons tout le temps. Enfin, maintenant elles sont grandes, alors moi... Oh ouais, là, c'est moi, c'est terminé, là, arrête de chanter. Là, je suis un vieux ringard. Ouais. Mais bon, à ce moment-là, c'était il y a 5-6 ans. 6 ans. Ouais, au moins 7 ans. 7 ans, bon. Elles étaient encore à des âges où elles étaient fans de moi. Ouais, c'est ça. Mais fans de papa. Est-ce qu'on peut dire que t'es aussi peut-être resté un peu un enfant? Je sais pas. Ah non, tu peux pas répondre à cette question-là. Ouais, sûrement. Des fois, j'ai envie d'appeler ma mère, puis je le fais pas. Oh, c'est mieux. Oh, c'est mieux. C'est beau, hein. Ah oui, c'est le bon. Ça, c'est le moment attendre de la rencontre. C'est merveilleux. Elle répond jamais, de toute façon. Ah ben, c'est... Mais ça, c'est... Non, parce qu'elle voit ton numéro, hein. Masque-le. Non, mais je masque-le. Non, là, je sais pas répondre. Bon. Et puis, vous, une fois que vous êtes rencontrés, vous avez senti l'osmose, avez-vous eu le goût de... D'ailleurs, j'ai encore mal. Que de... L'osmose, non. Ah, l'osmose, oh, oui. Avez-vous eu le goût de tout revoir des chansons ou uniquement certaines pièces qui allaient bien sur scène? Parce que... On est vraiment parti de ce qu'on jouait déjà sur scène. OK. C'est vrai, hein, petit à petit, c'est comme ça. Alors, en fait... Toi, t'es arrivé et puis t'as appris les morceaux qu'on jouait sur scène. Bah oui, oui. C'est beaucoup comme ça que ça s'est fait. Toi, t'es arrivé. Les premières fois qu'on a joué avec Luc, quand il, entre guillemets, il n'est pas parti officiellement du groupe, c'est parce qu'il était du quartier, c'est un pote à Bertrand. On jouait là, bon, on lui a dit, bah viens avec ton armo et improvise. Donc, de fait, les premiers morceaux qu'il a appris, c'était ceux qu'on jouait déjà sur scène. En fait, ça s'est plutôt fait que dans ce sens-là. Et à cause de l'improvisation à l'harmonica, vous pouvez, vous aussi, faire de l'improvisation? Non. Alors c'est lui, moi non, parce que moi je suis une grosse quiche. Ok, toi t'es le seul à improviser tandis que les autres sont... Je suis incapable. Anne improvise très très bien, et puis moi un peu à la clarinette. Alors vous êtes les deux à improviser. Sur des structures déjà établies ici. Ok. Ouais, c'est très rock, alors en fait c'est couple les refrains généralement avec un tien. Ou pas, on improvise sur couple les refrains, et puis on laisse un peu de chant sur certains morceaux pour l'improvisation, mais ça reste rock'n'roll en fait. Alors il y a un moment jazz, venu à la dérape, et c'est vous qui dérapez, les deux musiciens. Ouais. Et là on revient après ça à l'encadrement classique et tout le monde en bas. Voilà. Okay. Et est-ce que ça arrive, mais c'est pas dans chaque chanson, ça arrive à quelques occasions, peut-être à 4-5 fois, mais c'est pas tout le temps. Pas tout le temps. Okay. C'est juste pour aérer les pièces et pour les rendre un peu plus longs. C'est ce qui apparaît pas dans les deux disques, peut-être ça apparaîtra dans le prochain. L'improvisation, c'est important. Mais c'est plus devant les gens. Oui, mais devant les gens. Ah oui, mais dans le deuxième album, le dernier morceau, là, ça fait. Ah oui, il y a un morceau spécial. Oui, je l'ai entendu. Très instrumental, ça fait très improvisé. Je sais pas si c'était le cas, mais. Ah là, c'était complètement free. Ah ouais, mais vous êtes bon là-dedans. Bah, il y a plein d'invités. Oui, d'accord. Sur ce morceau-là, il y a plein d'invités. Mais comme votre groupe est uniquement studio, avez-vous le goût à un moment donné de faire un album spectacle? Ah, live? Ouais. Parce que là, ça donnerait toute l'effervescence du groupe. Oui. Puis ça coûte un peu moins cher aussi. Je sais pas forcément. Ça dépend si vous voulez retoucher après, mais si vous voulez rester dans l'environnement live. Donc, il se trouve qu'on a des moyens d'enregistrer relativement facilement au studio. Ok, ouais, c'est ça. Ok, c'est pas ça, studio. Ouais. Donc, pour le coup, ce sera un peu plus compliqué à mettre en place. Mais pourquoi pas, en tout cas, c'est un truc. En tout cas, ça donne une autre version du groupe quand c'est en spectacle. Puis les gens qui viennent vous revoir après, ils veulent entendre ce qu'ils ont entendu sur scène. Et quand tous les musiciens sont là, et que sur l'album, ben, il y en manque quelques-uns, ça, on sent que ça, ça sonne un peu, peut-être un peu moins. Ou, ouais, faut creuser l'idée, ça sonne différent. Parce que, ça sonne différent. Ouais, c'est différent. Il y a, moyen de faire, de s'enchaîner des chansons à tête, enfin, puisque c'est des chansons en français. Non, et puis d'en faire un truc qui fait en plus live, plus comme on fait. Ouais, plus live et puis qui se suit. Enfin, qui se... Ouais, c'est vrai qu'on voudrait comme un faire scénario. Ça, un peu. Oui, c'est un peu le but. On a un petit, une petite résidence de deux jours là. On aimerait bien monter vraiment comme un concert, quoi. Enfin, avec un début. Avec un début, une fin. Ouais, un début, une fin. Ouais, voilà. Mais comment vous faites pour avoir des résidences? Vous envoyez des papiers et puis... Alors, il faut demander à la cinquième personne qui fait partie du groupe. Ah, qui est pas là. Qui s'appelle Bérangère et qui nous trouve des dates. Qui bosse comme une chienne et hyper bien. Ah, c'est une sorte de tourneur. Ouais, ok. Exact. Mais comment vous... Ouais, qui fait ça bien. Et qu'est-ce que vous allez... Vous voulez aller là pour être ressourcé ou, Non, le but du jeu, c'est de travailler. On joue beaucoup dans les petits lieux, dans les bars, etc. Là, le but du jeu, c'est de bosser ensemble en ne faisant que ça pendant plusieurs jours, sur monter quelque chose de beaucoup plus scénique, voilà, okay. Sur une scène, pour avoir, pour que la prochaine fois qu'on déboule sur une scène, équipé techniquement, etc., c'est pas tout à fait le même exercice que dans les bars où on est vraiment au milieu des gens, bah, que ce soit au point, quoi. Que ce soit au point au niveau musical, mais aussi au niveau technique. Là, pour le coup, il y a aussi un travail technique. Il y a des j'allais dire amis, collègues, enfin t'appelles ça comme tu veux, qui vont venir, qui seront vraiment nos ingé-sons, qui vont mettre en place le côté technique sonore, ingé-live qui vont mettre en place tout le côté lumière, etc. Pour que c'est des professionnels qui vont vous aider à sublimer un peu plus le spectacle. Et vraiment monter quelque chose de scénique, par exemple. Et qui potentiellement, après, quand on a des dates sur scène, même si c'est pas le maximum des dates qu'on a pour l'instant, mais ça arrive ponctuellement. Ouais. Et ben ils seront là pour. Ce sera notre ingé son, notre ingé light. Voilà, le but c'est vraiment de bétonner un peu ça. Parce qu'on n'a jamais eu l'occasion vraiment de se concentrer là-dessus. Mais c'est bien parce qu'en même temps c'est là que vous êtes les plus performants sur scène. Bah, en tout cas, c'est ça. On aime ça. Ah oui, c'est ça. Oui, puis, non, mais c'est que c'est pas en tout. En ayant les clés, c'est plus facile. Ouais, c'est pas tant les clés, c'est que c'est pas tout à fait pareil que de jouer au milieu des gens. Ah, ça c'est normal. Quand ben on oui. est sur scène, il y a une barrière. Et puis, c'est aussi vraiment techniquement aussi. Quoi. C'est profiter d'avoir des lumières qui te mettent en valeur, un son qui te met en valeur, pour jouer avec ça aussi. Quoi. Ouais. Non, mais c'est pour bosser ça. Puis là, ça se fait quand ça? Ouais, mais ils sont silencieux. Hein. Ah oui, ah, ils sont pas mal. Oui, c'est ça. Ils ont le respect du Québécois. Mais c'est pour quand cette fin mars. Ok. Fin mars. Ouais, et... ça suffira pas, c'est deux jours. Mais deux jours, c'est quand même ça deux va vraiment permettre d'aborder donc la chose. Et ouais. Mais c'est quand même bien de savoir qu'il y a des gens qui vont avoir un œil extérieur. Oui, ouais, exactement. Hein? Donc, ils vont pouvoir vous diriger un peu plus rapidement. Qu'à l'intérieur d'un groupe, on peut pas vraiment se voir. On n'a pas de regard extérieur. Ça sert aussi à ça. Ça sert à plein de trucs. Sert à plein de trucs, mais notamment à ça. On va tâcher d'arriver en pensant être prêt, et puis on va prendre des critiques, et puis voilà. Et on va arranger ce qu'on pensait être prêt, qui en fait l'était pas, et puis voilà. Mais ça risque d'être uniquement constructif, parce que si on veut évoluer, si on veut, ils vont pas vous démolir quand même, parce que vous avez une base. Non, mais là, on sera entre amis quand même. Hein. Ah, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que les gens avec qui on va travailler, c'est des gens qu'on connaît. Okay. On les a pas fait venir pour rien. Okay. On se connaît bien, et du coup, il y aura pas d'hésitation à dire ça c'est pourri, ça c'est bien. De la réforme des retraites, par exemple. Quoi. Ah, ouais, mais comme plusieurs, on verra ça demain. Comme beaucoup, paraît-il. Oui, comme beaucoup, ouais. Mais chez nous, la retraite, c'est 65. Oui, ben la ramène pas, c'est pas un exemple. Mais t'es pas obligé d'arrêter si le gouvernement te le dit, c'est toi qui décides, hein? Bah tu rigoles ou quoi? Bah ouais. Bon bah bref. Ouais. Oh là là. Comme ils sont tous à part, deux ou trois cas cliniques. Entre les jambes un revolver automatique. Entre nous je me demande si c'est tellement ergonomique. Il faudrait admirer leur mouvement de mécanique. Pour les voir jouer des poètes romantiques. Enchaîner les banalités soporifiques. Le front moite et l'œil glauque, le souffle épileptique. Tout ça pour nous embobiner, c'est pathétique. Leur vision des bergères est énigmatique. Ils ne rêveraient que de bombes atomiques. C'est en tout cas ce que racontent les statistiques. Ils ont confondu l'amour et la gymnastique. Thank you. chez eux c'est génétique. J'ai contracté une allergie épidermique aux grimaces qui cachent des envies pas catholiques. Autrefois je les consommais en boulimique. Dorénavant je n'ouvrirai plus ma boutique qu'en cas de surplus pondéral pour l'esthétique. Et ne me les farcirai qu'à doses homéopathiques. Montés comme des moustiques, collés comme des lombrics, ils peuvent toujours se brosser pour les travaux pratiques. Motivés par un consentement hypothétique, je leur garantis un râteau systématique. J'ai connu des loustiques à l'opéra comique, mais on ne me la fait plus, je connais la musique. Qu'ils soient laids comme des poux, qu'ils soient photogéniques, si encore ces histoires m'avaient rapporté du fric. Mais qu'ils soient barbus, poilus, ventrus ou britanniques, rapus, velus, joufflus, bavards ou laconiques, leur simagrée ont fini par me rendre hystérique. Égo ou excentrique, ils me barbiturique. Moi qui ne suis certes pas contre l'amour physique, ni contre de temps en temps un bon coup de tric. J'avoue ma lassitude de ces regards lubriques posés sur mon anatomie fantasmatrique. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.